Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, en cette période de fête, ERFM a le plaisir de recevoir trois camarades d'Égalité et Réconciliation à l'occasion de la sortie du livre « Contes, fables et légendes » aux éditions Contre-Culture. Anne Luquen, bonjour. Bonjour Vincent. Tu es responsable éditorial Contre-Culture, donc c'est toi qui t'occupes de choisir les livres édités aux éditions Contre-Culture. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Marie, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es illustratrice, la principale illustratrice des éditions Contre-Culture. C'est donc en partie grâce à toi que les livres Contre-Culture sont de beaux objets. Merci. Donc merci beaucoup et merci d'être avec nous aujourd'hui. Karima, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es une militante d'Égalité et Réconciliation. Tu aides, je crois, à la comptabilité de l'association. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et, chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors, chers auditeurs et chers invités, ce que je vous propose, c'est que nous parlions d'abord de votre parcours de militant au sein de l'association. Je sais que vous en êtes des membres importants, la cheville ouvrière d'Égalité et Réconciliation. Puis ensuite, nous aborderons le thème, très à propos en cette période de fête, des contes et légendes et plus largement de l'enfance. Alors, qui commence ? Anne, qui es-tu ? Bien, je suis militante d'abord depuis l'année de création, 2007. J'ai commencé par faire pas grand-chose, d'autant plus qu'il n'y avait pas de section dans mon coin, je ne suis pas de Paris. Et petit à petit, j'ai commencé à m'occuper du forum, de la modération, puis de correction sur le site. Et quand la maison d'édition a été créée, on m'a demandé de faire d'abord des corrections, ce que j'ai fait longtemps, ce que je fais encore. Et petit à petit, de m'occuper du choix des livres, soit des manuscrits qu'on nous envoie, des manuscrits originaux, soit des livres anciens qu'on réédite. D'accord. Et ce choix des livres que vous éditez aux éditions Contre-Culture, comment il se fait ? Comment tu fais pour sélectionner tel ou tel livre et au contraire rejeter tel autre ? Concernant les manuscrits originaux, évidemment, il y a déjà le thème, la ligne idéologique, l'intérêt du livre. Par exemple, les romans sont rarement édités chez nous, sauf s'ils ont vraiment une portée politique, comme les livres de Jacob Cohen, par exemple, qui sont des romans, mais qui ont un message à donner, alors que un roman ou des poésies, c'est pas forcément exclu, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'en a pas sélectionné, quoi. Il y a la qualité, évidemment, de l'écriture. Des livres qui sont trop mal écrits, ça sera difficile, même si on peut aider à l'écriture, à la réécriture de certains auteurs qui ont des choses à dire, mais qui n'ont pas forcément la qualité littéraire ou d'écriture qui ont des fois un peu de mal. Donc, on peut des fois retoucher un peu, des fois plus, pour aider l'auteur à transmettre son message de manière plus agréable. Pour que les auditeurs aient une idée, en proportion, en nombre, combien de manuscrits vous recevez, je ne sais pas, disons, par semaine ou par mois ? Alors, les manuscrits originaux, c'est assez régulier. On en reçoit, je dirais, peut-être une dizaine par mois. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, malheureusement, très rapidement. Enfin, il n'y a pas besoin de lire très longtemps. D'abord parce que ça correspond des fois pas du tout. On sent qu'il y a des gens qui nous envoient des choses qu'ils doivent envoyer à toutes les maisons d'édition sans même se rendre compte que ça ne correspond pas du tout à notre ligne éditoriale. Et puis, il y en a qui sont... C'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment... c'est des fois même un peu difficile parce qu'on voit qu'il y a des gens, ils vont envoyer un mail on voit qu'il y a des espoirs derrière, qu'il y a eu quand même du travail. Et puis bon, le manuscrit, il y a encore du boulot à faire de leur part pour arriver à pouvoir être édité, quoi. Mais donc voilà, ça c'est une part des fois un peu difficile quand il faut refuser, faire des mails de refus à des gens qui, on le sait, attendent quand même avec espoir une réponse. Et qui sera négative. Et puis, heureusement, il y a aussi des perles. Il y a des gens comme, par exemple, Le Chant dans la Fournaise, qui nous a été envoyé comme ça, et qui est un très bon manuscrit. Enfin, on tombe des fois sur des auteurs complètement inconnus et qui nous proposent des choses de grande valeur. Donc voilà, on les choisit parce que c'est bien écrit, parce qu'il y a quelque chose à dire, parce que c'est quand même un peu dans notre ligne idéologique, parce qu'on a quand même une ligne, hein, on n'est pas... Voilà, même si ligne on peut... Ligne qui nous est reprochée. qui peut nous être reproché par le système. Par le système, oui. Enfin, justement, on s'y accroche. Hein. Alors, j'ai une question. En tant que directrice éditoriale des éditions Contre-Culture, vous avez vu passer tous les ouvrages qui ont été édités. Bien sûr. Est-ce qu'un vous a marqué en particulier? Et si vous deviez en recommander un aux auditeurs, lequel serait-ce? Oh mon Dieu, ça c'est difficile. Ça c'est vraiment difficile. Évidemment, j'ai eu une grande histoire presque avec le livre de Gilad Atman, parce que je l'ai traduit. Et je l'ai vraiment plongé dedans, j'ai vraiment vécu avec pendant 3 mois. Et il m'a beaucoup marqué, heureusement d'ailleurs, parce que c'est un travail important de traduire. Et il m'a appris beaucoup de choses. Enfin, c'est vraiment un livre qui m'a fait découvrir toute une pensée qui est quand même celui de quelqu'un qui a vécu le sionisme de près et qui est pas seulement le sionisme mais le judaïsme aussi et qui donc a le livre une vraie... c'est quel juif errant pardon, oui, je ne l'ai pas cité. Voilà, après il y a évidemment des grands classiques comme la conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus, qui est aussi un livre assez fondamental. Difficile à choisir, hein, parce que évidemment, on je vais pas dire qu'on ne choisit que de bons livres ou qu'on n'édite que des bons livres, mais un peu quand même, quoi. Forcément, puisqu'on les a choisis, c'est qu'ils sont quand même bons. Et voilà, mais... Et c'est toi, voilà, qui réalises également, je ne l'ai pas mentionné, la quatrième de couverture de chaque livre contre culture. Oui, sauf les premiers. Les premiers, on mettait parfois simplement un extrait du livre, mais assez vite, oui, j'ai eu envie d'en dire un peu plus, quoi, d'expliquer un peu le livre et présenter l'auteur. Donc je fais ça. D'accord. Voilà. Bien, Anne, on reviendra vers toi tout à l'heure. Marie, donc c'est toi qui illustres tous les livres dont nous parlons. Oui. Alors, ce travail d'illustratrice, est-il facile? Facile. Il est très plaisant, en tout cas. Pas toujours facile. Parfois, oui. Ouais, on sent dans chacune de tes œuvres qu'il y a quand même beaucoup de travail. Ce sont des dessins qui sont très artistiques, souvent qui portent un message en eux-mêmes. Toi, alors moi je t'avais déjà posé la question en fait pour l'émission de l'AG, les auditeurs ont dû l'entendre, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu arrives à partir d'un livre que parfois tu n'as pas lu, tu l'as avoué. Je l'ai confessé, oui. Comment tu arrives à créer ce dessin final? Alors, le processus général, ça se passe avec Anne, qui, elle, a une connaissance du livre, l'ayant corrigé, travaillant beaucoup dessus. On communique ensemble sur le contenu du livre. Elle me donne des pistes, des éléments précis, parfois. Et avec tout ça, j'essaye de sortir une synthèse, une image parlante, soit sur un détail ou un thème principal ou sur l'ensemble du livre. D'accord. Alors j'ai une question. C'est vrai que Vincent a souligné la qualité esthétique de tes couvertures et je voulais savoir si tu avais des influences, des artistes qui en particulier t'avaient marqué. Oui, moi j'aime beaucoup Alphonse Mucha. C'est ma référence. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mucha, c'était un artiste de la Belle Époque, un affichiste. Alors, tout le monde connaissait, vous tapez Mucha, M-U-C-H-A, et vous verrez tout de suite, tout le monde le connaît. Un style un peu art déco. Voilà, c'est ça. Très frais, très floral, féminin, voilà, des couleurs particulières. C'est ça, c'est à travers les couleurs que tu choisis. On remarque qu'il y a quand même un univers. Ce sont des couleurs, comment on pourrait les qualifier? Pastel. Pastel, ouais. Oui, je dirais des couleurs cassées. Cassées, ouais. C'est pas des couleurs pures. Il y a toujours un petit peu de noir dedans, un petit peu de blanc pour casser la couleur, comme on dit. Donc, Mucha, c'est une référence. Oui, Mucha. Et tu en as d'autres? Et Frank Frazetta, également, qui est un artiste de, je sais pas, on pourrait dire bande dessinée. C'est très kitsch, mais c'est très très beau, avec beaucoup de nus féminins. Exacerbé dans une ambiance fantastique. Regardez sur Internet aussi, ça va vous parler tout de suite. D'accord. Et combien ça te prend en temps pour réaliser une couverture? Ça dépend de la couverture. Certaines vont me prendre 2-3 jours et d'autres plusieurs semaines. D'accord. Ça, tout dépend du sujet et de l'investissement et du traitement que je réserve à la couverture. Certaines sont purement numériques, donc il y a beaucoup moins de manipulation. D'autres sont faites à main levée, et parfois en peinture, donc là c'est beaucoup plus long. D'accord, et tu me disais que tu as appris à dessiner avec contre-culture en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours dessiné, ouais. Et j'ai laissé ça de côté pendant une dizaine d'années, et à la naissance de mon fils, j'ai décidé de reprendre ça pour ne pas regretter ce côté de ma vie. Je ne voulais pas devenir secrétaire, je l'avais envisagé à un moment aussi, pour gagner ma vie plus sereinement. Puis je me suis tournée vers le dessin, et puis l'outil informatique également, que j'ai appris à la maison en m'occupant de mon fils. Alors justement, en parlant de secrétariat, Karima, je me tourne vers toi. Oui. Toi, justement, c'est ta fonction au sein d'Égalité et Réconciliation. Oui. Donc, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs quel est ton rôle exact, ta fonction ? Bah écoute, je m'occupe... le secrétariat, c'est large, mais il y a plein de choses à faire. Les adhésions, un peu de comptabilité, et puis plein de petites choses, quoi, du secrétariat classique. Les adhésions, donc tu es en contact avec les nouveaux venus ? Voilà, j'enregistre les nouveaux adhérents, enfin, je gère un peu les problèmes qu'ont les adhérents sur le fichier, je réponds à des questions qu'on m'envoie par mail. Ouais, Karima est beaucoup trop modeste, c'est une personnalité incontournable de l'association. Trop gentil, Xavier. C'est notre maman à tous. Ouais. Elle s'occupe de nous, elle nous bichonne et puis elle met l'ambiance. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es dans l'association, Karima ? Un petit moment quand même, depuis 2008 à peu près. D'accord. Plus sérieusement, Karima, est-ce que tu peux nous présenter ton cadre de travail ? Avec combien de personnes tu travailles, comment s'organise ton emploi du temps, ainsi de suite. Alors, moi, je travaille un peu de chez moi, et puis j'ai un bureau à ma disposition sur lequel il y a toutes les informations nécessaires, le fichier adhérent. J'ai, on va dire, 5 ou 6 collègues que je vois régulièrement, dont David et Patrice, que je salue, et aussi Julien. Et qu'est-ce que ça t'apporte de travailler pour Égalité et Réconciliation plutôt que de faire le même travail, mais dans une autre structure ou une autre entreprise? Ah ben, déjà, ça me donne du sens, quoi, mon travail. Hein. J'ai une motivation que je n'aurais pas ailleurs, hein. C'est certain. Et est-ce qu'il y a une bonne ambiance de travail au sein d'Égalité et Réconciliation? Moi, c'est surtout grâce à moi. Mais, voilà, on y arrive. Il faut le noter. Non, parce qu'il faut que les auditeurs sachent qu'en réalité, Karima a une personnalité haute en couleur. Qui est extrêmement timide aujourd'hui. Et qui ne se vérifie pas aujourd'hui. Tu dis ça pourquoi, par rapport à mes origines ou... Ah non, pas du tout. Un peu les autres aussi. Aussi ils sont drôles, hein. On rigole, non, mais on a une bonne ambiance, c'est sûr. Anne, je sais que tu travailles également en équipe. Oui. Toi, comment ça se passe de ton côté? Ben, très bien, j'avoue qu'on est une bonne petite équipe, assez resserrée, mais on s'entend bien. Donc, je travaille beaucoup avec Thomas, notre maquettiste, qui s'occupe de faire les maquettes, les mises en page, le lien avec l'imprimeur. Et puis Sébastien qui fait des corrections pour nous. Et qui a fait aussi un peu de mise en page, puisque c'est lui qui s'est occupé du Nouveau Testament. Et bien sûr, Marie, à qui je donne quelques idées pour les couvertures, comme elle vient de l'expliquer. Et donc, est sorti ces derniers jours un livre intitulé « Contes, fables et légendes ». Donc, je l'ai entre mes mains. Donc, il fait quand même... Après 65 pages, 63 pages, avec de nombreuses illustrations de Marie, c'est-à-dire à chaque conte, une illustration. C'est ça, c'est un livre qui est destiné aux enfants ? Tout à fait. Donc, je vois qu'il a été... les textes ont été choisis et adaptés par toi, Anne ? Voilà, c'est ça. Donc, c'était un projet qu'on avait... Depuis un moment, on parlait d'éventuellement faire quelque chose en direction des enfants, puisqu'ils sont quand même la cible de la propagande, théorie du genre, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est important aussi de contrer un peu ça. Donc, c'est un premier essai... avec des contes, donc quelque chose de très très classique, que j'ai donc choisi. J'ai lu une bonne centaine de contes pour en sélectionner 11, avec comme idée, c'était vraiment de trouver des contes qui avaient une morale à la fin, qui portaient un message, parce qu'il y a certains contes qui sont sympas, mais il faut bien voir aussi que le conte était aussi ce qu'on se raconte le soir, quand les soirées sont longues, quand on se réunit, on se tient chaud ensemble, et on sent vraiment dans certains contes, et on voit très bien que c'est en général dans les pays où les soirées sont froides et longues, qu'on fait... Le conte digresse, on voit que les conteurs, puisque le conte est vivant, le conte est toujours... le conteur s'approprie le conte et qu'il y a comme ça des contes qui vous promènent dans une histoire un peu fantasmagorique et qui, à la limite, n'a pas vraiment de début, de fin, ou des fois, on aurait presque envie de dire ni queue ni tête, parce qu'il n'y a pas vraiment de morale, il y a des tas de choses un peu incroyables qui arrivent, des lutins, des dragons, des choses comme ça. Alors ça, c'est sympa, mais ce n'est pas ceux-là que j'ai choisi. J'ai vraiment choisi ceux qui avaient... qui étaient plus courts, plus structurés, et qui étaient porteurs d'une idée assez centrale. En général, on peut presque sortir une idée par conte, et qui se termine comme ça, avec une petite morale, quoi. Quelque chose de très traditionnel, c'est les valeurs, c'est pas les valeurs de la République, c'est vraiment les valeurs traditionnelles de la famille, l'honneur, l'égalité et la réconciliation. Absolument. Xavier ? Et alors, Anne, on connaissait les contes de Perrault pour les Français, les contes de Grimm pour les Allemands. Là, vous nous livrez 11 contes du monde entier, hein. Ça va de l'Inde aux Amérindiens, il y a des contes du Caucase, des contes esquimaux, donc des contes inuits. Et ce qui est très frappant à la lecture de cet ouvrage, c'est à quel point les valeurs véhiculées, justement vous parliez de la morale, sont universelles. C'est ça, c'est vraiment des valeurs qui sont fondamentales, des valeurs très basiques, mais qu'on a des fois un peu oubliées, et qu'on retrouve absolument aux quatre coins du monde. D'ailleurs, il y a certains contes qu'on retrouve les mêmes, aussi bien en Afrique que dans le Caucase, avec évidemment des petites différences qui tiennent à la couleur des pays, enfin, je veux dire, aux traditions, le nom des personnes. Il y aura des petites différences qui viennent du cadre géographique dans lequel le conte s'inscrit. Mais sinon, l'histoire est vraiment la même. On retrouve, peut-être parce que les contes ont voyagé aussi, je veux dire, avec les gens qui eux-mêmes voyageaient, donc ça s'est propagé. Et aussi parce que finalement, ces valeurs fondamentales, on les retrouve partout. Et elles sont... Et c'est des valeurs qu'il faut défendre aujourd'hui. Absolument. Absolument. Vous le disiez, elles sont mises en difficulté aujourd'hui par ce qui est proposé à la jeunesse, notamment via des dessins animés ou des produits qui vont à l'encontre justement de ces valeurs. C'est ça, et c'est très important justement de commencer avec les enfants, parce que c'est quand même des choses dont on se rappelle. Je pense que tous ceux qui ont lu ou à qui on a lu des contes quand ils étaient enfants ont certainement en tête, en mémoire, certains contes, peut-être certaines morales qui les ont accompagnés toute leur vie. Enfin, je sais que moi j'en ai, par exemple. Et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Enfin, il n'y a pas seulement, bien sûr, il y a le rapport avec la mère dont on parlera peut-être plus tard. Mais il y a aussi ce message qui a été donné et qui peut s'inscrire assez profondément quand même dans la tête d'un enfant. Et le rapport au livre. C'est-à-dire un enfant à qui on a lu est un enfant qui lira. Certainement, qui lira, qui pensera peut-être un peu plus par lui-même et puis qui peut-être un jour écrira aussi, parce que pour écrire, il faut lire d'abord. Alors, je crois qu'autour de la table, on a trois mères de famille. Je crois que Anne, ça a été déterminant dans votre choix de publier ces contes et légendes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils viennent tous de livres que j'ai puisés dans les bibliothèques de mes enfants, qui ont beaucoup de livres, dont des contes. Et donc, voilà, j'ai quatre enfants qui sont maintenant grands, parce que la dernière a 15 ans, l'aînée a 24 ans. Disons que les contes ont vraiment fait partie, tous les livres en général, mais vraiment les contes, c'est quelque chose qui est... parce que le conte est intemporel, le conte, c'est quelque chose qui revient, qui relie les parents avec les enfants, les grands-parents, c'est quelque chose qui lie les générations verticalement, qui ont lié verticalement, mais même plus profondément que simplement la famille, parce que c'est quelque chose qui lie les gens d'aujourd'hui à nos ancêtres, à des gens qui ont vécu... À la mémoire collective. Voilà, exactement. Donc, c'est un lien qui est aussi bien vertical qu'horizontal, parce que le conte, c'est aussi... puisque justement, on voit que aux quatre coins du monde et à les mêmes valeurs finalement, la même morale qui apparaît. C'est aussi un lien horizontal dans le monde parce que il y a cette universalité, on va dire, de certaines valeurs, certains préceptes. Et voilà, je trouve vraiment que le conte, j'aurais un peu envie de dire, sans vouloir blasphémer, enfin, j'espère que pour moi, le conte est un peu, au monde païen, ce que la parabole est aux chrétiens. Voilà, ça a presque la même force. Enfin, voilà. Karima ? Oui ? Toi aussi, tu es mère de famille. Est-ce que tu lis des contes à tes enfants ? Ben, j'essaie, hein. Oui, j'essaie de leur lire des contes et je compte bien leur lire ceci, là, Conte et légende qu'on va éditer à Contre-Culture, qu'on a édité, parce que c'est des contes du monde entier et je trouve ça super bien. Je vais poser une question simple. Quelle est la différence entre les contes, les fables et les légendes ? Alors, je ne suis pas une spécialiste ni des contes, ni des fables, ni des légendes, mais pour moi, il me semble que la légende... veut expliquer quelque chose du monde, son origine, quelque chose de mythique. Une caractéristique du monde, voilà. Par exemple, le premier ici qui parle du fait que les hommes sont mortels, voilà, ça c'est une caractéristique du monde des hommes, et c'est une légende qui va le raconter. Donc la légende, elle s'apparente peut-être plus au mythe. Il y a quelque chose de fondateur, alors que le conte est une histoire qui va porter une morale, mais pas toujours, puisque des fois, comme je disais tout à l'heure, il y a des contes qui sont vraiment plus fantastiques, où on se promène comme ça dans un monde un peu peuplé de lutins, de dragons, et qui n'a pas forcément de morale, mais il n'y a pas d'explication du monde. Il y a une morale, mais il n'y a pas d'explication du monde. Et la fable... Il me semble que dans la fable, il y a aussi une morale, alors très claire, mais ce sont plus souvent des personnes, des humains, peut-être des animaux, comme dans les fables de La Fontaine, mais l'animal va souvent incarner un caractère de l'homme. Il va représenter quelque chose de l'homme, ce qui n'est pas le cas dans le conte. Le conte, il y a des lutins, des animaux qui parlent aussi, mais ils n'ont pas comme propriété d'incarner comme ça une dimension de l'homme, comme très nettement les fables de La Fontaine, par exemple, le font. Dans les fables du Moyen-Âge, parce que souvent les fables, en tout cas en France, sont datées du Moyen-Âge. En tout cas, il y a une caractéristique dans le Moyen-Âge des fables, ou alors ça sera vraiment... d'ailleurs, il y en a une dans ce livre que j'ai choisi, qui est... ça met en scène... un monsieur, un cerf, sa femme et puis le curé. Il y a rien de fantastique dedans. Dans le conte, il y a souvent quelque chose de fantastique. Mais ça peut être simplement parce que l'homme va partir sur le dos d'un oiseau ou il va traverser la mer en trois enjambées. C'est pas forcément... il y a pas de dieu non plus. Il y a pas dans les contes. Alors que dans la légende, justement, et si on fait un pas de plus, on arrive dans la mythologie, là, il y a un dieu ou des dieux, quoi, en général des dieux, qui sont à l'origine. Donc, voilà, sans être spécialiste, j'espère que je n'ai pas dit des bêtises, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. C'était très bien, Marie. Oui, ben, donc, je rejoins Anne. Tu es la mère d'un petit garçon. Oui. Est-ce que toi aussi, tu lui lis des contes, parfois, ou est-ce que tu le laisses devant la télé toute la journée? Non, c'est depuis toujours. Tous les soirs, il a une histoire. Ah. Même si on est fatigué, enfin, il a une histoire chaque soir. Ça peut être des contes, ou avant c'était des petits livres pour les tout petits, illustrés. C'est un petit moment, le soir avec l'enfant, très important, pour lui et puis pour les parents. Inoubliable et formateur. Voilà, c'est une tradition. Mes parents m'ont lu aussi des histoires quand j'étais petite, à moi et à mon frère. Ça fait partie de la culture familiale et c'est très très important. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qu'il affectionne et qu'il te redemande souvent de relire? Alors non. Là pour les contes, ce qui est rigolo, c'est que je lui ai lu les contes que nous éditons là, chez Contre-Culture. Au moment de la lecture, il était assez dissipé. Mais plus tard, il m'a demandé de les lui raconter de mémoire. Et là, il a vraiment accroché. Et c'est vraiment l'oral qui compte plus que la lecture. Alors là, c'est ça, on en vient à un thème très important sur la question des contes. C'est qu'en fait, l'oralité est extrêmement importante. Ouais. Et que d'elle dépend finalement l'immersion de l'enfant dans l'histoire racontée. Alors moi, ce que je propose à nos auditeurs, peut-être, c'est de raconter un conte, justement, de ce livre, de ce recueil de contes que tu as choisi, Anne. Alors, ça va être de la lecture, plutôt. Au pied levé. Tu veux essayer? Je peux essayer, et puis d'autres peuvent finir. Hein. Peut-être le conte du Tibet. Alors, il était une fois un pauvre paysan qui vivait dans une vieille cabane, un peu à l'écart de son village, dans une campagne désolée, sur laquelle soufflait tout l'hiver un vent froid et sec qui glaçait son corps maigre. Il avait beau travailler, il n'avait jamais un sou devant lui, et chaque jour, il se demandait comment il allait vivre jusqu'au lendemain. Un jour qu'il était allé ramasser du bois dans la forêt, et qu'il avait fait un bon feu dans sa cheminée, il eut l'idée de profiter de cette chaleur pour faire germer un pépin de melon. Il fit un tas de terre devant l'âtre, il planta le pépin, arrosa le tout, surveilla les possibles maladies et en éloigna les insectes. Tous les jours, il allait ramasser du bois pour entretenir le feu, arroser la terre et veiller sur son trésor. Et le pépin germa. 2 feuilles, 4 feuilles, une tige, une fleur, et pour finir un fruit si beau, si gros et qui sentait si bon que notre pauvre hère se dit qu'il ne pouvait être mangé que par l'empereur. Un si beau melon en plein hiver, il m'en donnera sûrement un bon prix, se dit-il. Et il alla, dans le froid et dans le vent, apporter son melon chez l'empereur. Celui-ci le reçut avec amabilité et lui demanda, curieux, « L'as-tu cultivé toi-même ?»« Oui, votre majesté, » répondit notre paysan. « Parfait. Et tu as réussi à le faire pousser par un hiver si froid ?»« Oui, majesté. »« Parfait. Et ceci juste pour me l'amener ?» « Oui, votre majesté, » répondit encore le paysan. « Parfait, » répéta lui aussi une fois encore l'empereur, en prenant dans ses mains le melon. Puis, d'un hochement de tête, il signifia à son interlocuteur qu'il pouvait se retirer. Le pauvre paysan sortit du palais les larmes aux yeux. La faim tiraillait son ventre et le vent glacé fouettait son visage. Alors qu'il passait devant une auberge sans presque la voir, une voix le héla. « Hé, toi, ne veux-tu pas de bons petits pâtés farcis ?» Le pauvre gars ne se fit pas prier. Il entra dans l'auberge et s'assit à une table sur laquelle l'aubergiste eut au fait de poser un plat rempli de petits pâtés farcis à la viande. Il avait si faim qu'en un rien de temps, il avait tout englouti. Il leva les yeux vers l'aubergiste, qui était resté là à le regarder manger avec tant d'appétit, et lui demanda « Les as-tu préparés toi-même ?»« Bien sûr, » répondit l'aubergiste. Parfait. Et tu as réussi à trouver une viande aussi tendre en cette saison? Comme vous le voyez. Parfait. Et tout ceci juste pour ceux qui passent là-devant? Demanda-t-il encore en désignant la rue où lui-même marchait peu de temps auparavant. Oui, pour eux, répondit encore l'aubergiste. Parfait, approuva une dernière fois notre paysan en se levant et en se dirigeant vers la porte. « Hé, reviens, tu n'as pas payé !» l'interpella le tenancier en l'attrapant par le bras. Mais le pauvre air n'avait pas un sou pour payer son repas. Alors, voyant qu'il ne pourrait rien en tirer, l'aubergiste l'emmena chez l'empereur pour que celui-ci le juge pour grivellerie et le condamne à réparer ses torts. L'empereur, entendant cela, réprimanda le pauvre gars. « Comment pouvez-vous prendre à autrui une nourriture que vous ne pouvez pas payer ?» lui demanda-t-il. « Pensez-vous qu'il suffise de dire « parfait » et de s'en aller pour être quitte. Pardonnez-moi, votre majesté, j'ai du mal comprendre la leçon que vous m'avez donnée. Ce matin, je suis venue vous porter un melon, si difficilement cultivé pendant l'hiver dans ma pauvre cabane. Et après l'avoir pris dans vos mains, vous m'avez renvoyé en me disant simplement « Parfait ». J'ai donc cru que c'était là la nouvelle monnaie du pays, qu'il suffisait d'un ou de quelques « parfaits » pour s'acquitter de ses dettes. Alors l'empereur, tout honteux devant ce misérable à qui il avait reproché de ne pas avoir payé son écot alors qu'il ne le pouvait pas, tandis que lui, l'empereur qui le pouvait au centuple, avait été le premier à ne pas le faire, paya l'aubergiste de ses petits pâtés farcis et récompensa richement l'indigent pour sa leçon. Être au-dessus des autres oblige à donner l'exemple. On ne peut pas dire une chose et faire autrement. Merci beaucoup Anne pour cette lecture. On a donc là un message fort, suivant lequel les puissants doivent donner l'exemple. C'est ça. Aux plus humbles. C'est ça. Donc ce message est destiné aux enfants et justement est une forme de résistance dans un monde où finalement les valeurs... Où nos dirigeants ne donnent pas toujours l'exemple. Voilà. Et le deux poids, deux mesures est souvent la règle. C'est ça, donc là les contes et les histoires racontées aux enfants qui, comme on le disait tout à l'heure, portent un message en général qui tend vers le bien et vers la justice, vers l'amour, Absolument. Vers la fraternité. Oui. Oui. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans les contes que tu as sélectionnés. J'ai noté la mort, oui. La maternité, les rapports hommes-femmes. Tout à fait. Le rapport aux aïeux, aux anciens. Oui. Oui, il y en a un très beau là-dessus. Oui. Le respect des humbles. Le respect des humbles, voilà. Donc, le... finalement, raconter un conte aux enfants est une forme de résistance. Oui, tout à fait. Surtout aujourd'hui, puisque c'est de leur donner une sorte de ligne de conduite, quelque chose qui, une fois de plus, je pense, va les accompagner toute leur vie. Parce que le conte a quelque chose d'assez fort. D'abord, parce qu'il est souvent répété. On les lit, on les relit et on peut garder certaines, bon on en oublie certains, mais certaines morales peuvent être gardées toute la vie et être presque une ligne de conduite parfois. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai pour vous. Enfin, moi, j'ai vraiment des contes que j'ai connus petites. Je me souviens par exemple d'un conte qui devait être russe, je crois, qui racontait l'histoire d'une petite fille qui... je ne sais plus pourquoi, devait trouver la maison de la sorcière, enfin la sorcière qui donc habitait dans une maison. Et après avoir traversé trois forêts, montagnes, etc., comme il y a souvent dans les contes, elle a enfin vu la maison de la sorcière. Et elle a repris espoir, elle a commencé à avancer un peu plus vite. Et au fur et à mesure qu'elle avançait, elle voyait la maison de la sorcière reculer. Et c'était, elle avait l'impression qu'elle n'arriverait jamais, puisqu'elle avait beau faire des efforts, elle avait beau marcher le plus vite qu'elle pouvait, la maison reculait. Et à la fin, je ne sais plus, en tout cas, elle arrive à la maison de la sorcière, je ne sais plus comment. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué toute ma vie. Parce que j'y repense quand j'ai, par exemple, des difficultés, quand on a l'impression que quelque chose, on n'arrive pas à le faire, on croit qu'on va y arriver, c'est souvent comme ça. On pense qu'on va faire quelque chose en peu de temps et finalement, c'est toujours plus long que ce qu'on croit, c'est toujours plus difficile que ce qu'on croit. Et souvent, je me dis, ah, ça y est, c'est de nouveau la maison de la sorcière, quoi. Mais je sais qu'au bout, je vais y arriver. Parce que voilà, de savoir que ça a été mis dans un conte, ce sentiment-là a été mis dans un conte, que d'autres l'ont vécu. Que ça a été incarné, que ça a été, ça donne un nom aux choses, ça donne une présence, un corps, une réalité qui fait que finalement, on est moins seul à vivre son problème, sa difficulté, enfin, je sais pas. On se rattache à quelque chose qui est plus grand que soi, quoi, qui est un peu universel, et puis ça fait du bien. Oui, donc on l'a dit, le conte, c'est un élément essentiel de la transmission de la tradition, justement par l'oralité de génération en génération, pour sortir aussi les enfants de ce monde qui n'est plus seulement le monde de la télé, des dessins animés, mais maintenant le monde des tablettes, des écrans généralisés. Et justement, pour une première approche du livre, il y a un élément qui est essentiel dans l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, c'est ces illustrations de Marie qui peuvent justement amener l'enfant à se plonger dans le livre bien avant même l'apprentissage de la lecture. Marie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces illustrations, comment tu les as conçues et si tu les as, par exemple, testées sur ton fils? Tout à fait. D'abord, j'ai lu tous les contes, et puis plusieurs fois. Et puis, les images venaient assez rapidement. Je me rappelle que petite, ça a énormément formé ma culture visuelle, si on peut dire, tous les livres de contes que j'avais. Plus tard, je reproduisais inconsciemment ce que j'avais vu comme illustration. Donc, j'ai vraiment tenu à faire un travail de qualité et ne pas trop orienter le dessin non plus vers quelque chose de trop stylé, trop personnel, mais plus réaliste pour que tous les enfants puissent se l'approprier. Et je sais aussi que les enfants aiment être pris au sérieux, c'est-à-dire que certains illustrateurs ont tendance à penser que quand on s'adresse à un enfant, on peut faire du maladroit, du simple, du simpliste. Et c'est une erreur, je pense. Ils sont à la limite beaucoup plus exigeants même que les adultes. Oui, tout souvent. À fait, tout à fait. Et c'est sous-estimer les enfants que de faire des raccourcis, même au niveau du dessin, où l'on pense que tout est permis, alors qu'il y a une exigence aussi. Et ça permet, c'est une base pour eux, je pense, qui leur permet de faire fonctionner leur imagination à eux, sans trop les orienter, mais en leur donnant une piste. Une sorte de début d'univers. On voulait aussi profiter de l'occasion avec Vincent d'avoir, une fois n'est pas coutume, trois mères de famille dans cette émission pour avoir justement votre avis sur la difficulté d'élever des enfants aujourd'hui dans le monde moderne. Alors, chacune à votre tour, on voudrait un peu vous écouter là-dessus et puis même des recommandations que vous auriez à donner et les écueils auxquels vous avez été confrontés. Alors, ne jamais nourrir les enfants après minuit, déjà. Non, déjà, pas trop d'écran, quoi. Essayer d'éviter trop la télévision, quoi. Même si, c'est mon gros problème. Moi, j'ai des enfants, c'est d'éviter qu'ils soient trop devant la télé, les écrans, Internet. Quoi. Mais c'est vraiment difficile. Hein. C'est difficile, voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait la grande... La résistance pour nous, les mères, c'est de pouvoir imposer la lecture des livres, mais c'est très dur. Hein, Karima, tu as combien d'enfants ? Plusieurs. J'en ai quatre. Quatre enfants ? Voilà. C'est une famille nombreuse déjà. Oui. Et tu as une télé chez toi encore ? Oui, j'ai une télé quand même. Anne ? Ah non, moi, j'ai pas de télé. Je l'ai jetée il y a 16 ans. Non, j'avoue que la télé aurait été pour moi plus que quelque chose de trop, ça aurait été un ennemi. Parce que j'ai eu la télé quand j'étais seule, étudiante, voilà, parce que ça peut... Bon. Mais à partir du moment où j'ai eu une famille, je ne la voulais pas, parce que c'est... D'abord, ça devient le point focal de la famille, c'est affreux. Et les gens ne se réunissent pas pour se voir, pour regarder ensemble dans la même direction, on va dire. Mais enfin, bon, quelle direction, quoi. Et en plus, moi, je l'ai vu un peu chez d'autres familles que j'ai pu connaître avant d'avoir moi-même mes enfants. C'est que finalement, la télé est allumée parce qu'il y en a un qui veut regarder quelque chose. Et comme ça prend toute la place, aussi bien visuelle qu'auditive, tout le monde regarde ça, alors que la plupart n'auraient jamais allumé ce truc-là, quoi. Mais comme c'est allumé, tout le monde se plante devant. Puis après, il y a l'émission de l'autre, celle qui veut regarder son feuilleton, l'autre qui veut regarder son match. Et finalement, tout le monde regarde tout. Et j'ai même vu des familles qui mangeaient avec les gens qui se retournaient parce que la télé était derrière. Et c'est affreux. Moi, je voulais vraiment pas ça avec mes enfants, quoi. Mais bizarrement, je dis ça bizarrement parce que les gens s'étonnent quand je le dis. Ils pensent que j'ai dû lutter contre mes enfants pour imposer par la télé. Or, pas du tout. Jamais, jamais ils l'ont réclamé, et je suis sincère. Et j'en mets Game Boy et des choses comme ça non plus. Ils l'ont jamais réclamé. Et je me souviens même qu'une fois, une de mes filles me racontait qu'à l'école, la maîtresse avait demandé, c'était en école primaire, avait demandé qui c'est qui a la télé ? Est-ce que quelqu'un n'a pas la télé ? Elle avait levé la main, elle était la seule, tout le monde s'est retourné, elle lui a dit, mais quoi ? Mais comment tu fais ? Mais comment tu vis ? Etc. Et puis, elle savait pas très bien, elle savait même pas très bien ce que c'était qu'une télé en réalité. Et elle a dit, mais parce que nous, on avait un écran avec DVD, des cassettes à l'époque, c'était des VHS. Et elle a dit, mais la télé, en fait, c'est ce truc où on ne peut même pas choisir son film. Elle a dit, oui, mais c'est nul. Et donc, oh, ça ne lui manquait pas. Mais c'est vrai qu'ils avaient des cassettes, des VHS, donc on avait un écran, on n'avait pas d'antenne, en fait. Donc, ils pouvaient regarder de temps en temps des films, des dessins animés qu'on choisissait, du coup. Mais c'est vrai que ce monde où je vois les enfants se lever à 6h du matin pour regarder des dessins animés avant d'aller à l'école, enfin, je trouve ça terrifiant, quoi. C'est vraiment... Ouais, moi, je pense que quelquefois, il faut aussi... moi, j'aime bien... je regarde la télé avec mes enfants, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas la télé seuls. On surveille. Puis comme ça, je peux décrypter les images. C'est-à-dire, je peux leur expliquer. Je leur demande ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils comprennent. Et moi, je peux derrière avoir un autre discours où... parce que de toute façon, les images, ils en voient dehors. Hein, ils ont des portables. Ils voient d'autres images avec leurs camarades, surtout les collégiens. Donc, tu leur donnes une éducation télévisuelle. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai choisi un dialogue. Je sais qu'ils vont vivre avec ça. Et donc, moi, c'est mon point de vue. Hein. Je leur apprends à être critique, en fait. Quand ils voient une image, je leur dis de vérifier qui apporte l'image, quel est le message qu'on a voulu passer avec cette image, et voilà. Et puis on trouvera quelques réponses dans le livre de Dimitri Corias, La télévision malade, du sionisme. Donc, moi, j'ai une façon d'expliquer ce qu'est le sionisme aux enfants très tôt. Non mais je vais peut-être pas aller jusque-là, mais au moins leur dire qu'une image, ça peut être trompeur. Et le discours qu'on tient avec une image, voilà, ce genre de choses. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il soit tout le temps de... Il ne faut pas que ce soit une nounou, une télévision, c'est sûr. Et toi, Marie ? Mon fils est encore petit, il a 8 ans. On n'a pas la télé, on a un écran qui nous permet de regarder, de choisir nos programmes. Il peut voir la télé ailleurs, quand il va chez ses grands-parents ou dans d'autres lieux, ça lui arrive, c'est pas interdit. Parce que pour moi, la télé, c'est de la publicité uniquement. C'est un support qui propose de temps en temps des programmes, mais pour servir la publicité. Donc c'est un parasite. Je le vois avec ses copains qui, eux, ont la télé et qui, il n'y a pas de problème, ils la regardent plusieurs heures par jour. Ce sont d'autres petits-enfants. C'est la mode qui les intéresse, c'est le foot, c'est le spectacle, des futilités. Et au niveau des seins, on voit bien qu'il y a un fossé. Alors on a compris que vous ne confiez pas... Ni l'une, ni les unes, ni les autres, vos enfants à la télévision. Alors, est-ce que vos enfants sont scolarisés dans le public, dans le privé? Comment ça se passe? Est-ce que vous, même de plus en plus, j'ai vu des scolarisations à domicile. Comment gérez-vous tout cet aspect par rapport au monde extérieur et à l'éducation que vous voulez inculquer à vos enfants? Moi, les miens sont déjà un peu grands, donc j'ai un peu tout fait en réalité, puisqu'ils ont été dans le public, d'abord en Suisse, parce qu'avant on habitait en Suisse, pour les aînés. Et ensuite, quand on est arrivé en France, je les ai mis dans une école privée sous contrat. Franchement, je n'ai pas vu beaucoup de différence avec l'école publique. Et ce qui fait que la plus jeune a intégré l'école du village, qui était très bien finalement, parce que c'est une toute petite école. Et ça, c'était très sympa. La communale. Oui, voilà, avec deux classes qui fait tous les niveaux et c'était campagne. Enfin, ça, c'était bien. Finalement, c'était peut-être la meilleure expérience. Et ensuite, ça a été le collège. Les aînés, plutôt, donc, dans cette école privée sous contrat. Les deux autres dans le public. Et maintenant, j'en ai trois qui sont déjà à l'université et la dernière qui est rentrée au lycée public. Voilà. Marie ? Sur l'école. Alors moi, j'ai juste une petite remarque, je parle sous votre contrôle. Il me semble qu'en ce moment, dans l'éducation nationale, ils cherchent à introduire l'utilisation des tablettes de façon massive. On veut remplacer les cahiers par des tablettes, c'est ça ? Pour le moment, je n'ai pas encore eu d'écho à ce niveau-là dans l'école de mon fils. D'accord, mais toi, c'est une école... C'est une école privée catholique, mais ouais. Sous contrat, donc voilà. D'accord, et autre point aussi, qui a fait polémique il y a plusieurs mois, c'est la théorie du genre. Alors, moi, j'habite dans un village de moins de 5000 habitants. Ouais. Mon fils est à l'école donc, du village. Et c'était quasiment inexistant, en fait. J'ai l'impression d'être la seule. J'ai eu l'impression d'être la seule à réfléchir à la question. J'ai un petit peu conversé avec le directeur de l'établissement. Puisque j'ai retiré mon fils une fois par mois pendant quelques temps. Mais il semblait ne pas prendre la mesure de ce phénomène. Donc pas de théorie du genre dans les programmes qu'a eu ton fils ? Non, je n'ai pas vraiment constaté ça. Non, je n'ai pas. Non, moi, je n'ai pas eu vent de ça. Hein. D'accord. Anne, peut-être pour nos auditeurs, rappeler... Cette histoire de théorie du genre, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça implique ? C'est l'idée finalement que c'est l'extension de l'idée de Simone de Beauvoir, on ne naît pas fille, on le devient. Mm-hmm. Et que finalement, si on éduquait les enfants exactement de la même manière, ils pourraient choisir s'ils se sentent plutôt garçon, fille, neutre maintenant, pourquoi pas. changé au cours de leur vie, voilà, et que c'était que finalement le genre était à différencier du sexe biologique et que le genre était quelque chose qu'on ressent et que c'est parce qu'on oblige les enfants, qu'on les met dans des carcans qui sont en adéquation avec leur sexe biologique, qu'ils vont devenir filles ou garçons, alors qu'en réalité, si on les laissait libres, et que, alors évidemment, les jusqu'au boutistes de la théorie du genre vont jusque, il y a eu des exemples en Suède, par exemple, de gens qui donnent des prénoms neutres à leurs enfants, voire même qui ne disent pas à leur, pas seulement à leur enfant, mais à leurs amis, le sexe de l'enfant, qu'ils l'habitent de façon très neutre, pour que l'enfant n'ait pas d'influence et qu'il soit comme s'il allait générer comme ça, sui generis, il allait sortir son genre tout seul, quoi. Sans modèle, sans rien, tomber comme ça. Et voilà, enfin, je crois que même la Suède est en train de revenir un peu en arrière quand même. C'est l'aboutissement de ce processus. On est parti de l'égalité devant la loi pour arriver à l'indifférenciation généralisée entre les sexes, entre les cultures, et qui justement, l'indifférenciation généralisée, n'est pas l'universel, justement, puisqu'on parlait des contes, l'universel, on le retrouve dans le conte, et on n'est pas dans une indifférenciation. Absolument pas. Alors, absolument pas. Au contraire, tout est très genré dans les contes. C'est... Voilà. Il y a des garçons, il y a des princes, des princesses qui sauvent les princesses, et les princesses sont faibles et belles. C'est pour ça que les enfants aiment ça, d'ailleurs. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Conte, c'est des modèles aussi. Le conte est fasciste, si on prend la grille de lecture... d'extrême gauche. Des gauchistes, absolument. Les enfants sont fascistes. Le conte est fasciste. La grammaire est fasciste. La langue est fasciste. Vas-y, c'est quand même. Les gosses, c'est quand même un slogan qui existait, quoi. Au niveau du genre, au niveau du genre, ça ne marche pas, ça ne prend pas sur les enfants. Au niveau des notes, l'abandon des notes, ça ne marche pas non plus, puisque maintenant ils ont des smileys, comme on dit. Donc ça, c'est une réalité. C'est une réalité, tout à fait. Ouais, moi, je l'ai déjà vu il y a 10 ans avec mes enfants, des smileys, mais des petits bonhommes de couleur. Ça ne les empêche pas de compter leur nombre de smileys, savoir qui en a le plus. Donc, ils s'auto-évaluent, ils s'attribuent des notes indirectement. Ils en ont besoin. C'est primordial. Karima ? Oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec elle. Ils ont besoin de... ils s'auto-évaluent. Hein. Si on ne les évalue pas, ils ont besoin de savoir... ce que vaut leur travail. Et voilà. Que quelques exemples émergent parmi eux, qu'il y ait des bons, ce ne soit pas forcément un traumatisme pour les moins bons, pour les apprenants, comme on dit. Et avec tout ce langage hypocrite qui se met en place et cette négation des réalités que les enfants ont compris depuis très longtemps et qui ne les traumatise pas. Oui, d'autant plus que l'évaluation, ce n'est pas seulement l'évaluation par rapport aux autres, c'est ça qu'on veut nous faire croire, que c'est méchant parce que ça veut dire lui, il est mieux que lui, etc. C'est aussi l'évaluation de soi au fil du temps, voir si on a pu évoluer, si on a pu faire mieux que la fois d'avant, et ça, se donner des buts, se dire, bah là, j'ai eu 12, j'aurai 14, enfin, c'est... Et ça, c'est aussi, c'est pas la seule motivation, bien évidemment, mais ça permet aussi de mesurer l'effort accompli, ça reste une récompense quelque part. C'est un but, une récompense, enfin, je pense. Et en plus, je trouve qu'il y a une très grande hypocrisie, parce que finalement, on vous dit, il faut pas de notes, tout le monde paraît, tout le monde a gagné, etc. Et en France en particulier, c'est vraiment un pays où à la fin de la fin, après vous avoir... raconter toute votre enfance qu'il n'y avait pas de notes, qu'on n'allait pas vous discriminer, qu'il ne fallait pas faire de hiérarchie, eh bien, on vous met des concours partout. Alors, c'est vraiment... C'est... Et pour rester sur le sujet de l'école, Marie, tout à l'heure, je discutais avec toi et tu me racontais qu'en fait, à l'école maintenant, l'école primaire, j'entends, les profs, les maîtres et les maîtresses se succèdent selon les matières, comme au collège. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'organise l'école primaire maintenant ? Je ne sais pas si c'est général, mais déjà dès la maternelle, elles sont obligées de jongler parce qu'elles n'ont plus de moyens, les postes sont supprimés, donc elles se retrouvent avec énormément d'enfants. Elles se les passent suivant leur disponibilité. Ensuite, en primaire, là, cette année, mon fils, par exemple, a deux maîtresses attitrées et se partagent la semaine, plus une pour... une telle matière, plus une autre pour l'histoire. Enfin, les classes sont regroupées, ce qui fait qu'on les rend souples, flexibles, comme dans le monde du travail. Sans compter aussi les nouveaux aménagements d'horaires avec les TAP, les activités parascolaires qui leur fait changer d'horaire deux fois par semaine. Alors qu'avant, moi, en primaire, je me rappelle, c'était tous les jours les mêmes horaires, la même maîtresse, une stabilité. Maintenant, ils doivent s'adapter. Un jour sur deux, c'est pas, je finis pas à la même heure. J'ai pas la même maîtresse. Mon fils ne participe pas à ça. C'est-à-dire ? Il n'est pas inscrit aux activités mises en place depuis l'année dernière. Qui sont des activités d'ailleurs très floues ? Mais complètement, parce qu'on ne sait pas si les gens sont formés. Enfin, je n'ai pas été voir en détail dans mon village comment ça se passe, mais je pressens déjà que ça ne sera pas, la qualité ne sera pas au rendez-vous. Voilà, et puis je préfère que mon fils rentre à la maison pour passer du temps dans le jardin, par exemple, ou avec ses animaux. C'est très important, ça aussi, la nature pour les enfants. Quand on peut leur offrir ça, c'est fondamental. Plutôt que de le voir enfermé à redécouvrir les activités qu'il faisait en maternelle, alors qu'il a 8 ans. Sur le goût, l'odorat, les jeux de société, voilà. Alors pour conclure cette émission qui est tournée largement autour de l'enfance, je voudrais aborder la question de Noël. Donc je crois que vous allez toutes les trois passer Noël en famille. Et justement à ce propos, Karima, je crois savoir, je ne trahis pas de secret en disant que vous êtes musulmane. Oui, est-ce que vous fêtez Noël malgré tout ? Alors, de toute façon, j'ai de la famille qui fête Noël, donc parce que on n'est pas tous musulmans. Donc on fait un repas, quoi. On fait pas un réveillon. On fait un bon repas. Avec la famille, voilà. Mais maintenant, je ne peux pas dire qu'on a la petite crèche avec Jésus. Et qu'est-ce que tu as prévu pour cette année ? Eh bien, de la bûche halal. Non, mais comme tout le monde, des trucs sympas à manger, quoi. Du saumon, voilà. On se retrouve, quoi. Et par rapport à cette surconsommation de cadeaux qu'on observe, d'ailleurs, ça, le phénomène s'est accru ces dernières décennies. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Quelle est votre philosophie ? Est-ce que vous avez cédé ou est-ce que vous cédez à cette frénésie ? Moi, c'est le Père Noël, donc je ne suis pas concernée. On doit dire que le fils de Marie est dans la pièce et qu'elle ne souhaite trahir aucun secret. Et toi, Karima ? Avec mon mari, on n'est pas consumériste à la base, donc on leur achète un petit truc pour marquer le coup. Voilà, mais maintenant, ça dépend des finances, ça dépend s'ils ont... Parce que bon, nous... On fête Noël, c'est pas vraiment une fête religieuse pour nous, donc on n'a pas d'obligation spéciale. Donc, on leur achète un petit cadeau pour faire comme les copains. Donc, ça dépend s'ils ont bien travaillé à l'école aussi. Anne ? Moi, par rapport au cadeau, j'avoue que je suis tombée dans le consumérisme, si on veut. Non, mais c'est vrai que attention, j'aime bien... Consumérisme est un mot qui veut dire le contraire de ce qu'on croit qu'il est. C'est vrai. Ah oui, alors c'est vrai. Tu peux nous définir le mot ? Le consumérisme, c'est la défense des consommateurs. Ah, absolument. J'ai c'est pour juste... notre camarade Stéphane Condiac qui est très à cheval. J'allais le citer, je n'osais pas. Pardon Stéphane, alors qu'est-ce qu'il faut dire ? Donc, il faudrait dire le consumisme. Donc si je ne suis pas consumisme. Consumiste. Et Anne, toi, par contre, alors là, non, c'est alors, très... je ne dis pas qu'on l'aime, mais c'est vrai que j'aime bien ce moment où on fait les cadeaux le matin, toujours, le 25. Et on aime bien que ça dure un peu, quoi. C'est vrai qu'avec les enfants, bon, surtout qu'on était... ça fait longtemps que je suis seule avec eux, donc on a un peu tendance à faire des tas de petits cadeaux. Pas forcément des choses très chères, très grosses, mais que ça dure un moment, quoi. Donc, l'idée, c'est souvent d'acheter des... ça peut être des livres, ça peut être des choses même assez utilitaires, des fois. Quand ils étaient plus petits, évidemment, ils nous faisaient des dessins, des petits bricolages, des tas de choses comme font les enfants et qui sont ces choses qui n'ont pas de prix et qu'on garde toute sa vie. Mais c'est vrai, on a un peu tendance, j'ai un peu tendance, et du coup, ils font un peu la même chose, d'accumuler les petits cadeaux, mais ça ne veut pas dire que ça sera forcément très cher. Ce sera des tas de petites choses, des fois qu'on a même acheté au fil de l'année, en disant, oh tiens, ça lui ferait plaisir, voilà. Et puis en parlant de cadeaux et de livres, je vois là sur le site Contre-Culture qui a mis en place une campagne spéciale Noël avec des coffrets, donc on a différents coffrets, qui regroupe donc des livres qui traitent d'une même thématique. On a le coffret santé et bien-être, coffret eschatologie musulmane, coffret tradition catholique, coffret les infréquentables, coffret Marion Sigaud et coffret Alain Soral. Bon là, c'est déjà quand même pour des... Pour des plus grands. Mais oui. Mais chez nous, il y a toujours beaucoup, beaucoup de livres. Ça, c'est vrai que c'est quand même une des bases des cadeaux. Et Je dirais même que s'il n'y en a pas, c'est arrivé qu'il y en a qui disent « Mais moi, je n'ai pas eu de livre cette année », comme s'il était un peu, finalement, un peu frustré ou que, qu'on n'avait pas... Voilà, il manquait quelque chose, dont les livres sont importants, quoi. Contes, fables et légendes chez Contre-Culture, choisi et adapté par Anne Luquen et illustré par Maria Comac. Écoutez, chers invités, merci beaucoup. Karima, Anne, Marie, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Ah oui, bonne fête à tous. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission. Non, on se retrouve le 24 décembre. Bonsoir. Dans trois jours. Pour une émission avec... L'abbé de la Roque. Voilà, sur la vie de Jésus. Enfin, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes du compositeur Lamotta. Le morceau s'appelle « Thème d'enfance » et est tiré de l'album « Bande originale » disponible sur le site contreculture.com. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.